J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Comics Discovery, le podcast, enfin non pas le podcast puisque nous sommes une émission de radio, on est à la radio, quand même. On est à la radio, ça fait 21 épisodes quand même qu'on est à la radio, donc il faudrait que je m'y fasse, qui vous parle de Comics. Ah putain, mais il y en a qu'un à chaque fois, toujours là pour c'est toi, toujours le même qui suit et vous êtes vraiment des merdes, c'est pas grave. Aujourd'hui on va vous parler d'un titre que... de comics, exactement, voilà. Mais avant ça, moi je voulais vous parler avec le site web, avec le site web de Comics Discovery, on a eu un nouveau partenariat, donc on va commencer par en parler. On est en partenariat avec Comics Over, un autre site internet qui parle de comics, qui fait de la review. Donc allez faire un tour sur Comics Over. Si vous aimez l'indé, c'est vraiment un site qui fait surtout de l'indé. Tu fais oui de la tête, c'est parce que tu aimes l'indé ou c'est parce que tu aimes Comics Over? Les deux. D'accord. Non, j'aime bien l'indé, puis je crois que j'avais vu, j'étais passé une fois ou deux chez eux, j'aime bien le temps qu'ils ont. C'est un bon site de review, avec des reviews et des... Il n'y a pas trop de news, c'est surtout de la review. Donc allez faire un tour, c'est vraiment cool. Et en plus, dans 2-3 semaines, on va faire une vidéo spécifiquement pour eux, pour fêter l'anniversaire de Buffy. Donc voilà, on va vous parler d'un comics autour de Buffy. Comme j'y suis, sachez que si vous êtes un site web, ou si vous êtes un podcast, ou si vous êtes une émission de radio qui parle de comics ou qui parle même pas de comics et que vous voulez du partenariat avec nous, enfin en tout cas avec le site internet, et vous avez un lien sur le site web avec directement dans les partenariats. Donc allez-y, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, tout ça pour des partenariats et plein de trucs. Et on va finir ce petit news Comics Discovery avec le concours Lego. Ça fait 2 semaines qu'on l'a lancé et on va le finir quand même. Et donc il y a 3 lots à gagner et c'est la jeune et innocente main de Thomas qui va... Non, tu ne regardes pas. Vas-y. Innocente que ça, tu nous tires mais... tu tires 3 trucs. 3 trucs. Ouais, 3 trucs. Oh wow. Non, 3 autres. C'est bon. Vas-y. Alors, on a... Putain, t'écris très mal. Excuse-moi. Thibaut. Oh, attends, tu sais quoi, donc, tu vas aller lire parce que... C'est Thibaut Losty, donc le premier gagnant. Bon, tiens, lis. D'accord. Parce que vraiment, j'arrive pas à trop lire. Josué en fait. Seba. Et le gros lot, parce qu'il y a un gros lot, ça va être celui-là, je pense. Starflord. Ok. Il n'y a pas Jesse Tandé qui a pas gagné. Jesse, parce qu'il y avait Jesse Tandé qui avait participé. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou à Jesse Tandé. Et bah voilà, mettre dedans. Le pour une fois, fidèle spectateur. Pour une fois, tu n'as pas gagné, c'est pas grave. Et on va commencer directement avec les news. Que je fais avec Juni cette fois, puisque Faye n'est pas là. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou aussi à Faye, qui est malade, qui a très mal au dos, donc elle n'a pas pu venir. On va commencer avec Juni, et je vais commencer moi avec. Je vais vous parler un peu des Oscars, parce que je ne sais pas si vous le savez, c'était hier soir, et en plus du fait que La La Land est quasiment tout remporté, ce qui est très mérité, parce que La La Land est un. Allez voir La La Land, c'est un des meilleurs films qui est sorti en ce début d'année. Un autre truc est intéressant, et qui nous intéresse nous puisque c'est du comics, enfin c'est un peu du comics, un autre des grands gagnants de cette cérémonie, voilà, merci beaucoup comics. C'est Moonlight. Et bon, j'ai pas vu Moonlight, apparemment c'est pas mal, mais le personnage principal de Moonlight, c'est Juni qui va dire le nom parce qu'il arrive mieux à le prononcer que moi, Mahershala Ali, voilà. Et ce monsieur, à part être dans les Quelques 1400, une vieille série qui était assez cool où il avait un personnage assez cool, c'est aussi le méchant le plus marquant de Luke Cage. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Et moi, je trouve que c'est un acteur. Ouais, voilà, c'est un acteur assez cool. Donc moi, je suis content qu'il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Il était bon dans Luke Cage, ouais, vraiment. Ouais, il était bon. C'était le meilleur du cast. Hein, belle présence, beau charisme. Ouais. Perso en plus bien fouillé, ouais, c'est bien. Et le truc un peu plus, moi qui me chagrine un peu plus, c'est Suicide Squad qui a remporté le prix du meilleur maquillage. Et maquillage de prostituée de. du Joker. Voilà. Et peut-être le Killer Croc qui était très. Ça valait pas le coup par rapport à ce qu'a pu faire Star Wars avec tous les. Mais ils étaient nominés pour le meilleur. Non, il y avait pas Star Wars, je crois. Non, je crois que c'était. Star Wars, ils avaient meilleur mixage son et. Ouais, alors que Star Wars, ils font des putains de costumes à chaque fois. Bon, bref. Oui. Ouais, ils vont pas donner à chaque année Star Wars, ils vont pleurer les enfants. Ouais, ils filent un peu au petit là, ça va leur faire plaisir. Bon, bah voilà, c'était juste pour vous parler de ça, c'est comme ça. Allez, on passe à une autre news. Et c'est Juni qui va nous parler de. Ouais, ma déception de l'année. Voilà. Sachant on va tous, que... on va tous pleurer. Ouais, je pense que je l'attendais. Enfin, je crois m'y attendais. Que Mathieu va pleurer aussi. Donc, il y a un mois à peu près, Guillermo del Toro qui avait réalisé les deux premiers films Hellboy et qui du coup n'avait jamais pu réaliser le troisième. Dont avait, vous avez déjà parlé dans un podcast, enfin dans une émission de radio. Avait posté sur son Twitter un. Comment on appelle ça encore? Un vote, on va dire. Demandant aux gens si j'ai un nombre suffisant de votes, je contacte Mike Mignola, le créateur d'Hellboy. Et Ron Perlman, l'acteur qui jouait Hellboy, et on va faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que le troisième Hellboy puisse voir le jour après je ne sais plus combien d'années de lutte incessante. Et il a fini par nous donner l'information il n'y a pas longtemps que effectivement le film ne se fera jamais, et c'est sûr à 100%. Donc il va falloir abandonner nos rêves. Nous allons rêves. Faire une minute de silence pour ce troisième film qui ne verra jamais le jour. Non, c'est pas vrai. J'ai envie d'y croire. J'ai eu mon Samurai Jack là qui va commencer le mois prochain, donc j'ai de l'espoir encore, on sait jamais. Bon, après Del Toro, il a tellement de projets maudits que. Ouais, aussi, ouais. Oui, il est pas un peu boudé par Hollywood ce Del Toro. Dès qu'il a une idée, tout le monde dit. Mais en même temps, il regarde son truc qu'il a fait, le truc qui était génial là, qu'il a fait il y a pas Pacific longtemps. Pacific Rim? Non, pas Pacific Rim, le truc juste après. Crimson Peak. Ah, Crimson Peak. Ça a pas marché du tout aux États-Unis. Je crois que ça a un peu marché en Chine, mais c'est tout. Et, en Europe, il était bien reçu, ouais, mais ouais. C'est vrai qu'aux États-Unis, il a jamais. Avec l'Hellboy et le Blade, peut-être, je crois, ça jamais ouais. Ouais, il marche pas, donc il y a que Pacific Rim qui a marché. Et... Non, Pacific Rim, ça avait pas très bien marché. Ah ouais, pas tant que ça. Ouais. Mais ils ont fait un deuxième, pourtant il est génial celui-là. Hein. Le labyrinthe de Pan qui avait bien marché. Ouais, c'est dommage. Donc bah voilà, c'était un peu la c'est news triste. On va passer à une news un peu plus triste aussi. Ah, super, on a fait Et c'est, je pense que c'est ton dessinateur préféré. Tu dis-le, c'est mon dessinateur préféré. Qui McNiven? Non, ce n'est pas lui, c'est Rob Liefeld. Ah, Rob Liefeld, il est décédé? Non, pas encore. Ah merde. Qui nous a annoncé il redessine. Non, il redessine pas. C'est bon, il va prendre des cours de dessin. Non, ce n'est pas ça non plus. C'est le retour de Youngblood, sa série phare qu'il avait sortie au moment de Image Comics. Ah, bon. Donc pour les gens qui ne sauraient pas à qui est Rob Liefeld, apparaît. Eh ben c'est pas grave. Un des pires dessinateurs qui n'a jamais. Mais on lui en doit beaucoup quand même. Mais c'est aussi un des papas de Image Comics, donc rien que pour ça, il a un peu de respect. Pour Deadpool surtout. Oui, il a créé Deadpool. Il y a beaucoup de bashing autour de. C'est vrai qu'il il dessine des muscles qui n'existent pas, et puis les personnages sont ils ont une espèce de balai dans le cul hallucinant. Mais ouais, c'est un peu de bashing. Mais moi j'aimais. Bon, je vais faire mon. J'ai eu du Youngblood. Je vais faire mon coming out. J'aimais bien son X-Force avec câble. Quand j'étais petit, j'aimais bien dans les années 90. C'est badass, hein. C'est très badass. C'était sympa. Moi, ça me faisait. C'est années 90, voilà. Ouais, voilà. Ça représente parfaitement les années 90 niveau dessin. Ouais, voilà, c'est totalement ça. Le truc avec tous les Deadpool aussi, là. Moi, j'ai lu ça. Deadpool Corp. Deadpool Corp. Ouais. Bon, en tout cas, il a dit que sa série phare qu'il avait créée pour Image Comics, Youngblood, dont j'ai jamais rien lu. Tu vois les Avengers, tu descends de 15 niveaux de qualité, c'est pas loin d'être ça. D'accord. Il y avait un gros, il y avait un archer, il y avait 2-3 trucs. Enfin, Image Comics, au début, ils avaient quand même pas inventé la poudre et ils avaient repris 2-3 concepts et ça faisait grosso modo un peu ça. D'accord. Bon, il a annoncé que il allait ressortir sa série. C'est une excellente idée. Et ce n'est pas lui qui enfin, il gère un peu de loin, mais c'est Chad Bowers au scénario et Jim Town au dessin, dont je ne connais absolument pas les noms, donc je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Et le récit va s'articuler autour d'une application qui s'appelle Help, où des gens peuvent demander de l'aide en ligne, et en fait vous pouvez noter les héros et un peu enfin voilà quoi. Et en fait il va y avoir une disparition un peu bizarre d'un héros qui est vachement bien noté sur cette application, et ça va être le retour des héros les plus détestés de ce monde, les Youngblood justement. Et voilà, ça va être un comic qui sortira aux États-Unis le 3 mai. Donc voilà, je pensais que c'était un peu un petit moyen de reparler de Rob Liefeld. Par contre, le pitch est rigolo aussi. Ouais, le pitch est sympa. S'il joue sur le fait que les Youngblood sont les plus détestés, ce qui est vrai, mais après coup, parce que le comics, voilà, c'est Liefeld et compagnie que les gens n'ont pas aimé. Mais quand ils sont sortis, c'était vraiment des super-héros, quoi. Donc c'est rigolo qu'il joue sur le fait que ces personnages sont détestés, qu'ils reviennent sur un petit clin d'œil, c'est marrant, quoi. Exactement. Et on va passer à une news de Juni. Qui nous parlait des combattants de la Bat Family. J'aime bien comment t'as sauté la news Warner. Oui, mais non, mais je vais la faire, mais c'était pour faire. Oui, donc Tom King, qui est un scénariste de Batman et qui a donc donné sa liste personnelle de ceux qu'il considère comme étant les meilleurs combattants de la Bat Family, donc tous les membres de, on va dire, Batman et associés. Ouais, voilà. Donc, dans l'ordre qu'il a donné, Cassandra Cain, qui est une ancienne Batgirl, Dick Grayson, qui était son premier Robin, Bruce, donc Batman. Damien étant le dernier Robin et le fils biologique de Batman. Kate. Accrochez-vous. Ouais, Kate Kane, Batwoman. Elena Huntress, alors. Comment je peux décrire Huntress? C'est une bad girl, mais pas officielle. Ouais, on va dire ça comme ça. Un peu mafieuse. C'est Huntress, c'est une bad girl un peu sexy, quoi. Ouais. Ensuite, ouais, voilà. Jason, qui était le deuxième Robin, si ouais. je ne me trompe pas. Duke, qui est un équipier arrivé relativement récemment, d'ailleurs. Stephanie Brown, qui est une ancienne bad girl. Et le dernier de la liste, c'est Tim Drake. C'est le troisième Robin. Et le moins intéressant de tous. C'est pas un top des. Selon lui, c'est les meilleurs combattants. Ceux qui se battent le mieux, un classement de ceux qui moi, se battent le mieux. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse chacun notre top. Là, ah non, ça va être très long. Mais moi, j'aime bien son top. Je trouve qu'il est. C'est pas mal, mais pas mettre Bruce Wayne premier quand même. Mais Bruce ouais. Wayne, c'est plus. C'est plus la stratégie premier. En fait. Ouais. Que vraiment. Alors que Cassandra Cain, c'est oui, que. C'est normal que c'est une grosse bourrine de base, quoi. C'est une ancienne. Cassandra Cain, c'est une ancienne bad girl qui parlait pas, je crois, qui vient d'un truc de ninja qui est complètement. Elle est en ce moment, elle c'est Orphan qu'elle s'appelle dans les ah comics ouais aux États-Unis. Elle est dans le groupe avec Batwoman et compagnie. Ouais. Ah, oui, c'est dans Detective Comics le ouais, truc. Voilà. Okay. Donc ce monsieur Tom King, c'est pas n'importe qui puisque c'est celui qui écrit Batman en ce moment. Donc voilà, c'est quelqu'un qui lui a demandé sur Twitter et je trouvais ça sympa de mettre ça dans les news. C'était. Il a dû faire chier quand même. C'est évident. Ouais. C'est le mec pendant une heure et se dit bon qu'est-ce que je mets. Enfin bon. Et on passe à une autre news et on va revenir à la news que Juni m'a dit que je sautais mais je ne la saute pas puisque après toutes ces rumeurs, ces vieux personnages pas. Qui viennent et je suis en train d'hurler, ça fait affoler le technicien, je suis désolé. Toutes les rumeurs méchantes que je suis sûr que c'est Marvel en fait qui balance des fausses rumeurs pour faire chier. J'en fous de Marvel. T'es un rageux. T'as remarqué que c'est toujours les mêmes arguments à chaque fois. C'est une conspiration, j'en suis sûr. Ouais, sors là ta news. Hein. Donc voilà, c'est Ben Affleck qui a dit sur Twitter que malgré qu'on avait dit que Matt Reeves ne ferait pas Batman, finalement Matt Reeves fera bien Batman, donc voilà, c'est cool. Ouais, et deuxième annonce autour de Warner, c'est voilà exactement du Warner. C'est Chris McKay, donc le réalisateur de Lego Batman, qui va faire un film live pour eux, et ça va être un film Nightwing. Et ça, c'est vraiment, vraiment. En fait, cool. Warner, ils ont un chapeau avec plein de papiers à la con, et puis ils tirent. Vous êtes méchants, je vous déteste. Je sais pas si c'est un chapeau avec un papier, mais là, franchement, vu la stratégie qu'ils ont l'air d'utiliser, c'est plutôt basé sur quel est le personnage connu que les gens aiment bien et dont on peut faire un film dont on sait qu'il y a des gens qui viendront le voir. Ouais, et pourquoi pas, c'est cool. Moi, je trouve ça intéressant. Non, ça n'a aucun sens si t'as pas de stratégie derrière. C'est juste lancer des trucs sur le mur et regarder ce qui colle. Mais ils ont annoncé au moins 30 films là déjà. Maintenant, c'est plus. Du coup, ils font le reste, Aquaman et compagnie. Oui, bah oui, ils vont faire. Parce que pour l'instant, quand même, c'est en production. Ils ont sorti un film avec les méchants sans faire les films avec les héros dedans d'abord. Mais un jour, les héros vont voir leur film. Non, mais Suicide Squad, c'est une erreur de parcours. Voilà. Alors que je crois qu'il y a BVS aussi qui était un peu. Il y a Man of Steel aussi qui est sorti. Je sais pas si. Man of Steel, c'est vachement bien. Allez, on va passer à une autre news parce que vous êtes vraiment trop dérageux. Et on va passer à un truc où on peut rager là par contre parce qu'il y a de quoi faire. C'est avec la Fox et c'est Johnny qui va nous parler des news de la Fox. Oui, donc une série X-Men live réalisée par Bryan Singer et Jamie Chung. Jamie Chung étant une actrice asiatique, là en plus tu m'as mis comme référence Chichi dans Dragon Ball Evolution. Oui, voilà. C'est pointu. C'est pour ça que je dis. Elle était dans Once Upon a Time aussi. Ne la jugeons pas par ça, parce qu'il y a aussi des excellents acteurs dans Dragon Ball Evolution, juste que le film est oui, absolument. Oui, c'est vrai, il y a James dégueu. Master dedans. Et je pensais même pas à lui d'ailleurs, le mec qui joue tant que génial, j'ai oublié son nom. Ken Watanabe. Enfin bref, oui, voilà. Et lui il est génial. Donc Jamie Chung va jouer Blink, c'est la seule apparemment qui a son casting annoncé pour l'instant. Et Blink qui avait déjà été casté, on a déjà vu dans les anciens films et qui ressort avec un autre. C'était l'APA public chinois. Oui voilà. Alors que là pas du tout. Ah on verra. Oui, ensuite, le film X-Men Supernova qui sera réalisé et écrit par Simon Kinberg qui produira la série live aussi. Et Kinberg a donc confirmé l'arrivée de Mr. Sinister ou Monsieur Sinistre dans le prochain film X-Men. Je saurais pas comment vous décrire. Il est compliqué ce personnage en fait. Il est très cool, moi je l'adore. Ouais. En fait, il est fun. Je pense que c'est essentiellement l'information à donner aux gens. Renseignez-vous un peu sur le perso, il est plutôt fun. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de conspirations et qui fait beaucoup de clones. Ouais. Voilà, qui aime beaucoup les clones, qui a sa propre cité remplie de clones de lui-même. En gros. Et qui aime beaucoup la famille Summers. C'est celui qui ressemble un peu à Dracula, là. Ouais, qui est un peu violet. Ouais. Ouais, il est un peu mégalomaniaque sur les bords. Et qu'il a, un diamant, ouais. Un truc rouge, merde. C'est une émeraude, je crois, sur le fond. Ouais. Et la troisième, donc, c'est que Ryan Reynolds est impliqué dans le scénario et la production de X-Force, apparemment. Et un réalisateur qui n'a pas encore été annoncé aurait été choisi. Oui, enfin, il a été annoncé, mais j'ai oublié de le noter, en fait. Et c'est celui qui a fait Le Territoire des Loups, qui est un super film avec. C'est pas Joe Cameron, non? Je sais plus du tout. Qui-Gon Jinn? Non, Qui-Gon Jinn, c'est c'est le personnage. C'est pas Joe Cannon, un truc comme ça. Si, je crois que c'est Joe Cannon, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, il va écrire avec Ryan Reynolds le film X-Force. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi, j'ai bien aimé Le Territoire des Loups. Ouais, Le Territoire des Loups, c'était sympa. Mais après, est-ce qu'ils vont arriver à faire un bon film avec ça? Enfin, bah non, parce qu'il y a Ryan Reynolds au milieu, donc non. Mais puis Ryan Reynolds qui écrit, qui joue peut-être. Écrit. C'est peut-être un bon acteur, mais s'il écrit des blagues, éventuellement, oui, enfin, peut-être s'en tirer. Mais enfin bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je crois que j'ai plus aucun espoir pour. On va faire un petit tour autour de la table. Qui sait qui a encore de l'espoir pour le truc X-Men autour de la table? Non, moi j'en ai plus beaucoup là avec la Fox. Après, il y a peut-être Logan qui sort la semaine prochaine et qui va être génial. Ouais, et qui moi j'ai confiance encore hein, avec Deadpool et Logan. Non, mais oui, c'est il est là, il est avec nous autour de la table. C'est lui, c'est la seule personne au monde qui a aimé X-Men Apocalypse. Elle est avec nous autour de la table. Abuse pas, abuse pas. Non, j'ai pas trouvé ouf ce film. Il a regardé jusqu'au bout aujourd'hui avec un ami et je. Ah, je le trouve sympa, mais parce que tu as dit dans une émission précédente que tu aimais ce film. Tu abuses. Tu veux vraiment qu'on parle de dans la vie, toi? Enfin bon, on va aller sur le site, aller voir les premiers podcasts. Et... Oui, ouais, ça va partir en couille. On va finir avec une dernière news avant de parler des sorties de la semaine. Et moi, je vais vous parler de Batman qui va avoir son jeu de plateau par Monolith. Donc Monolith, qui est un éditeur de jeux de plateau français, qui a annoncé au festival du jeu de Cannes qu'ils allaient lancer un Kickstarter autour du thème de Batman et d'un jeu de plateau. Et c'est pas la première fois qu'ils font un Kickstarter, puisqu'ils avaient fait un Kickstarter il y a quelques ans sur un jeu Conan qui est sorti maintenant, et ils avaient réuni plus de 3 millions de dollars pour le jeu Conan. Donc c'est assez assez bon pour un futur jeu de plateau Batman. Moi, ça me hype un peu, j'en ai parlé tout à l'heure avec les gens sur la table, mais apparemment il y a personne qui joue au jeu de plateau. Mathieu, tu... Non, ouais, j'ai un peu laissé tomber il y a un moment, mais l'idée est bien, pourquoi pas. Après, s'ils pouvaient se débrouiller pour se financer eux-mêmes, au lieu de piquer notre pognon à nous, pour une fois, ça serait pas mal. Hein. Parce que j'ai l'impression, dès qu'ils ont une idée, les gars, on a une idée, filez du pognon. Bon, on va passer au sortir de la semaine. Et comme cette semaine sort Logan, le film Logan, il va y avoir que pratiquement du Wolverine. Puisqu'il y a 4 titres qui sortent cette semaine avec Wolverine. On a la réédition de Weapon X de Barry Windsor Smith, qui est un titre culte, je pense qu'il faut avoir lu si on aime. Ouais. Le dessus, quoi. Il y a Death of Wolverine de Charles Soule et de Steve McNiven, dont on a parlé il y a pas longtemps, tiens, Steve McNiven. Moi, j'ai pas lu ce run. Qui c'est qui a lu Death of Wolverine? Moi, je l'ai lu, mais c'est bien. Non. Enfin, les dessins, ils sont magnifiques, mais Charles Soule, enfin, je trouve que c'était. Mais Charles Soule, je crois qu'il bosse trop. C'était trop simple. Il bosse trop, il fait trop de séries. Non, mais j'ai entendu beaucoup de bien de Charles Soule, mais alors là, moi, j'ai pas du tout aimé ce. Enfin, en tout cas, les dessins, ils sont magnifiques. Après, Steve McNiven, il a fait un boulot de malade. Mais, Et si on peut demander à Faye d'arrêter de m'envoyer des textos, parce que c'est un peu relou. Ah, il y a le trailer des Gardiens de la Galaxie qui est annoncé pour demain. Oh. Voilà, petite. Le troisième ou quatrième. Ouais, le quatrième. Moi, je vais pas le regarder. Quoi, les Gardiens 3, c'est ça déjà? Non, les Gardiens de la Galaxie 2, le trailer. Et il va y avoir une anthologie. Je suis Wolverine, c'est ce qu'ils font avec tous les films à chaque fois. Ils font. Je crois qu'ils avaient fait Je suis Deadpool. Je suis l'homme formé. Je suis Ant-Man. Ouais, voilà. Donc, moi, je suis pas trop anthologie, mais ça, c'est. Ah, c'est super ça pour découvrir les personnages. Ouais, pour découvrir les personnages, c'est pas mal. Vous avez. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans, mais il y a la première apparition du Greffu dans les pages de Hulk, je sais plus combien. L'une des meilleures anthologies que j'ai lues pour l'instant, c'est Je suis Spider-Man, qui regroupait vraiment les meilleurs épisodes. Ah ouais. Après, j'ai lu Je suis X-Men et j'avais pas trop. Enfin, ils avaient mis beaucoup de old school. Du coup, c'était un peu moins intéressant. Ah ouais, t'aimes pas trop le old school? Pas trop. Bon, voilà. Et il y a aussi Wolverine et les X-Men de la suite du run de Jason Aaron avec Pepe Larraz et Nick Bradshaw au dessin. Je pense que Wolverine et les X-Men, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est cool, Jason Aaron, c'est cool. Et vous. comme il y a pas que du Wolverine, il y a quand même Urban qui ressort des trucs. Vous avez Superman, le règne de Savage qui sort. Donc c'est un run autour de Savage où quand Superman a perdu une partie de ses pouvoirs et doit se battre avec Savage, enfin. Voilà. Et il y a Suicide Squad tome 4 aussi qui sort. Et on va passer à la première puce musicale. Putain, ces news ont été très très longues, puisqu'on arrive déjà à 20. La première puce musicale, je me suis fait plaisir et je vous ai mis du Burning Head. Je crois que c'est Cinematic Warfare, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et c'était Burning End, je crois que toujours c'était Cinematic Warfare, mais je ne suis pas sûr. Vous êtes dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Ah putain, pour une fois, on s'améliore un petit peu. Ouais, ouais. Moi j'y suis pas encore. C'est pas vous avez besoin de vous chauffer, c'est pour ça. Et c'est toujours Radio Campus Montpellier, le 102.2, sur la bande FM sur Montpellier et le site internet pour les gens qui n'écouteraient pas sur Montpellier. Et on va vous parler de la review de cette semaine. Et la review, c'est The Wicked plus The Divine de Karen Gillan et de je ne sais plus qui d'autre. Et c'est Thomas. Je suis un touriste. Alors, quoi. Ça, c'est professionnel. C'est tellement professionnel. Il y a un dessinateur, un scénariste. Voilà. Et il y a des histoires. Et il y a des cases à un moment. Tu tournes les pages. Et voilà. Et c'est Thomas qui va nous parler de ça, du scénario. Alors, de ce truc. The Weak and the Divine, c'est avant tout la création de Karen Gillan au scénario et Jamie McKelvey au dessin. Donc ouais. Tous deux, ils ont déjà travaillé ensemble sur le comics Phonogram et sur Young Avengers. À noter aussi que Karen Gillan, il a travaillé sur Dark Vador, que yeah. C'est un run que j'ai plutôt pas mal aimé. Alors le pitch, il se veut quand même assez original, c'est l'une des histoires les plus personnelles de Karen Gillan. Donc c'est tous les 90 ans, il y a 12 dieux de la mythologie qui se réincarnent dans le corps de jeunes ados, et ces ados vont ensuite avoir la chance de développer des pouvoirs, et ils vont devenir des stars de la pop, et ils vont rêver et influencer des foules entières. Mais le seul problème, c'est qu'au bout de 2 ans, bah, ils crèvent, à partir du moment où ils sont dieux. Dans cet univers-là, on va suivre le personnage de Laura, qui est une sorte de petite groupie de ses idoles, et qui va se lier étroitement à Lucifer, au dieu Lucifer. Bon, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà, en gros, le pitch et le concept de cette histoire, un peu. Alors, ce comics a été pas mal décrit comme un habile mélange entre le genre super-héroïque et la culture pop. Karen Gillan lui-même décrit son comic comme étant un comic de super-héros pour les gens qui aiment autant Batman que David Bowie. Donc après, ça reste à voir. Ils sont pas très nombreux quand même. Bah, moi aussi, en tout cas. Voilà. Oui, moi j'aime bien Batman, j'aime bien David Bowie. D'accord, il y en a deux, c'est bien. Bah, moi j'adore David Bowie. Peut-être oui, pas autant aussi. Que Batman. Oui, moi non plus. Si David Bowie était Batman. Moi, ce que j'ai préféré dans ce comic, c'est avant tout le traitement des dieux, parce qu'ils sont un peu traités comme nos stars d'aujourd'hui. Et j'aime bien cet aspect médiatique qu'ils ont. J'aime bien le fait qu'on rende des dieux réels, un peu comme l'aurait pu le faire Watchmen, c'est-à-dire à quoi ressembleraient des super-héros dans la réalité. Bah ici, c'est à quoi ressembleraient des dieux dans notre réalité. Et j'aime bien un peu cet aspect réaliste de l'histoire. On sent aussi que l'auteur est un peu fan de tous ces artistes, un peu comme David Bowie, et qu'il souhaitait leur rendre hommage en nous dépeignant des dieux comme nos stars, c'est-à-dire qu'ils sont ni bons ni mauvais. Ils nous influencent, mais surtout, ils nous font rêver. Alors, ma conclusion sur. C'est déjà des conclusions, hein. Ouais, bah, en fait, il y a quand même quelques aspects que j'ai pas trop aimé. Je vais quand même y venir avant d'aller direct ouais, à la conclusion. Vas-y. Parce que là, j'ai surtout fait l'éloge de ce comics. Mais ce que je pourrais reprocher à ce comics avant tout, c'est son personnage principal que j'ai pas forcément apprécié, parce que beaucoup se sont identifiés, parce que sûrement beaucoup sont des groupies. Mais moi, n'étant pas une groupie. Si vous avez aimé, vous êtes une groupie. C'est un peu violent dit comme ça. Mais en tout cas, j'aimais pas trop le traitement du personnage. En tout cas, moi, j'arrivais pas à m'attacher au personnage principal, parce que j'arrivais vraiment pas à m'identifier à elle. Du coup, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Mais après, je trouvais le principe vraiment stylé et bien exécuté. Bah, elle est pas bien creusée. Quoi. Ouais, voilà. Tu sais, peut-être que tu sais rien, quasiment rien d'elle. Tu sais, ouais, pas, tu sais, elle tu sais pas grand chose d'elle, et la c'est relation pas l'intérêt du comics, qu'elle établit avec Lucifer, bah je trouve elle est développée que par l'aspect qu'elle soit une fan en fait. Et c'est le personnage principal qui m'a dérangé avant tout dans cette histoire. Ça, mais ça reste un récit intelligent qui associe bien la mythologie à la modernité, qui tient à faire réfléchir son public. Et je pense que l'auteur le décrit comme l'un de ses récits les plus personnels. Donc voilà. Ouais, on le sent bien que c'est un truc qu'il a fait et qu'il en a réfléchi. En tout cas, il veut qu'on se souvienne de lui pour The Weak and the Divine. Donc voilà. Ok, et ben Johnny, tu vas nous parler des dessins qui sont assez exceptionnels. Enfin, moi j'ai trouvé cool quand même. D'ailleurs, ça t'a tellement marqué que t'as retenu le nom du dessinateur. Ouais, tellement. Vas-y, redis-le pour voir. C'est. Je ne sais pas. J'ai oublié. Ouais, donc les dessins de Jamie McKelvey. Voilà, c'est comme ça. C'est pas compliqué. En me renseignant un peu sur le gars et en regardant un peu les différents avis des gens après l'avoir lu, il y en a un qui avait dit c'est un fashion designer. Alors pour le coup, je ne sais pas s'il a fait du fashion design avant, mais c'est un peu l'impression que j'en ai eu. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça très. Au niveau du trait, c'est statique. C'est-à-dire que techniquement, il n'y a absolument rien de reprochable. Toutes les anatomies sont parfaites, etc. Le truc, c'est que ça manque de vie, on va dire. Tous les personnages sont beaux, propres, parfaits. Ils n'ont pas de fioritures. Leur position, même dans les scènes où ils sont censés être extrêmement énergétiques, on a un peu l'impression que c'est des poses de fashion design en fait. Donc tous les vêtements sont superbes, le design des personnages est super, et chacun d'entre eux a vraiment une personnalité et tout. Le truc c'est que ça manque un peu de vie et d'énergie, par contre c'est vachement rattrapé au niveau de la couleur. Parce que niveau couleur c'est pop à mort, ça, y a des, ça, ça flash dans tous les sens, ce qui va d'ailleurs bien avec le, la personnalité de certains des personnages j'ai trouvé. Et donc au final j'avais un peu l'impression de regarder une galerie de vêtements. J'étais pas particulièrement emballé par le truc, mais je pense que c'est plus vrai. Une question de tasse de thé en fait, et c'était pas la mienne. Après il y en a forcément qui vont beaucoup apprécier, beaucoup aimer, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Et je dirais que c'est à chacun ses goûts en fait, mais de vraiment regarder un peu avant, parce que c'était très vitrine on va dire. Pas vraiment de vie nécessairement dans les traits. Ouais, c'est pas très dynamique et puis ça manque de... Ouais. Moi j'ai adoré le dessin, je trouvais le dessin vraiment génial. Oui, et puis les expressions des visages quand même, à chaque fois, à chaque case presque, il fait une émotion différente pour chaque personnage. Moi je trouve que c'est Il a aussi bien réussi à... Comment dire, chacun des personnages existe vraiment, dans le sens où chacun des dieux est une caricature d'un personnage réel. Mm-hmm. Donc il y a Baal qui est Kanye West, il y a Sarmet qui est Rihanna. D'ailleurs, c'était l'une c'est des plus flagrant d'ailleurs. Ça, t'as l'impression qu'elle va violer tous les personnages qui passent. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Qui avait d'autres encore. Materatu là. C'est Florence and the Machine. Oui, par exemple. Il y a Minerva dont j'ai pas réussi à aller. J'avais envie de dire Justin Bieber juste pour rigoler, mais c'est pas le cas. Il y a Odin qui est un Daft Punk qui est d'ailleurs sapé comme les personnages de Tron, donc ils ont mis un petit clin d'œil là-dedans. Je sais plus qui d'autre il y avait comme dieu. Et Lucifer, donc qui est une fille, mais qui est David Bowie. Justement, ils ont joué sur le côté androgyne du Bowie d'origine. Mais ce que tu dis là, en fait, je trouve que c'est symptomatique du comics. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à la pop culture. Et il y en a peut-être un peu trop. Même moi, des trucs qui, genre Rihanna, tout ça, mais ça me parle pas du tout. C'est pas du tout le genre du jeu. Oui, on est au courant. Tu m'as empêché de mettre Kanye West aujourd'hui. Oui, il voulait passer du Kanye West. Et puis je me dis, bon, fuck, j'aime pas Kanye West. J'ai pas envie de passer du Kanye West. Ça s'appelle de la dictature, ça, monsieur. Oui. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Sur le podcast, c'était vraiment la dictature. Bah, la prochaine fois, tu choisiras les musiques, tu auras le droit de choisir toutes les musiques. Parce que là, on est en direct, on peut dire que Warner, c'est de la merde. Mais sur le podcast, sinon, ça passait pas. Oui, parce que c'était monté, c'était coupé. Entendez Warner, c'est. Mais t'es en train de parler, au lieu de dire de la merde, est-ce que tu peux donner ton avis sur le. Non, maintenant, on est en direct. Oui, Mathieu, le vieux. Oui, c'est moi. Ou alors, oui, je rejoins. J'ai pas été super emballé non plus par le comics. Alors, le potentiel est assez hallucinant. T'as ces espèces de divinités qui sont incarnés dans des postes adolescents qui sont vraiment très très intégrés dans notre société actuelle. Ouais, t'as du réseau social, de la pop culture de partout, des grandes stars et compagnie. Ils ont effectivement une durée de vie de 2 ans après c'est terminé. Et du coup, c'est un peu froid, ça rejoint un peu les dessins. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les personnages. Alors l'héroïne principale qui est censée être les yeux du lecteur, la petite Laura qui est complètement extérieure à tout ça, en 3 pages elle se retrouve totalement intégrée dans ce microcosme, alors qu'on nous explique qu'il est très très secret et qu'effectivement il faut faire très attention, même si la plupart disent que ce sont des divinités. Là pour le coup c'est assez rigolo, personne ne les croit, ils pensent que c'est juste une bande d'azimutés totale qui se prennent pour une espèce de jeunes, une espèce de jeunes qui foutent la merde quoi. Et du coup c'est même le rapport avec Lucifer, c'est quand même le gros moteur de la série, il fonctionne pas énormément. Il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu dérangé. Là, il y a un personnage de journaliste à un moment donné qui les défonce en interview, clairement elle a un truc contre eux et qui les aide 3 pages après. Lucifer disjoncte à un moment donné parce qu'il a envie d'être libre, d'assumer le fait qu'il a des pouvoirs, 3 pages après il s'excuse comme merde. C'est un petit peu tout le paradoxe des fans, même des journalistes. Par exemple, on peut prendre le milieu du sport, du football, c'est un jour t'es adulé, le lendemain t'es détesté, et ça même de la part des journalistes, c'est un petit peu ce parallèle qui est fait dans le... Ouais, je pense que c'est dans ce cadre-là, mais j'ai trouvé ça assez artificiel, assez mécanique, et du coup j'ai eu du mal. Alors c'est une série qui existe encore aux États-Unis, ça fait plus de 2 ans, donc il doit se passer quelque chose. À mon avis, c'est vraiment la première étape pour le reste. Mais il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, le tome 2 est sorti le 15, je crois, le 15 février. Ouais. Mais voilà, la première marche, je crois, pour accrocher le lecteur est pas évidente. Ouais, j'ai eu du mal à rentrer dans le truc. Quoi. Johnny, tu voulais... Je rejoins aussi ce qu'il disait par rapport au fait que le potentiel est hallucinant, comme il disait, c'est-à-dire que le concept de base, c'est on prend des dieux qui étaient adulés à une certaine époque, chacun d'entre eux était un dieu d'un panthéon existant, etc. Et on les met dans les positions de stars qui aujourd'hui sont adulés comme des dieux. Et ben, l'une des premières scènes du bouquin, c'est l'héroïne qui va à un concert et c'est limite une expérience religieuse. C'est et la déesse sur la scène qui danse et tout le monde qui s'évanouit et tout. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et le truc, c'est que c'était parti quand il y a des petits éléments de critique, on va dire, d'études un petit peu du phénomène de la star et de l'adulation, etc. Le truc, c'est que ça va pas loin et c'est pas vraiment utilisé. Non, ça s'arrête juste au fait que est-ce que les stars d'aujourd'hui sont les dieux. Voilà, le truc, c'est voilà, c'est un peu ça, c'est un peu comme si je vois là. Est-ce que ça va pas être développé dans Il y avait juste marqué, ce sont les dieux d'aujourd'hui sont des stars. Exactement. Ou les stars d'aujourd'hui sont des dieux. D'ailleurs, la présence de Kanye West là-dedans, c'est évident. Lui, il est tellement bien mis en scène et il y a vraiment ce côté. Le mec a une chanson qui s'appelle I Am a God quand même. Et le truc, c'est que ça allait pas nécessairement dans une direction particulièrement intéressante. Et au bout d'un moment, les dieux sont surtout des ados qui se sentent légèrement soit un peu outcast, soit extrêmement égocentrique aussi, voire insupportable. Et je me suis rendu compte à la fin du livre qu'après l'avoir lu, je m'étais pas attaché à un personnage en particulier. Et je me suis dit, bon, c'est tout ça pour ça, quoi. Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il mélange pas mal de thèmes. T'as donc effectivement l'adolescence, le fait de changer, de s'accepter. T'as ce côté divinité, t'as ce côté un peu pop, starification et compagnie. Il nage un peu entre plein d'eau. Ce côté mythologique, à la limite, c'est quand même vachement. Enfin, moi je le trouve vachement mieux fait dans Punk Rock Jesus de la série. Ah ouais, carrément. Mais en même temps. Voilà pour le coup. En vrai, un bon The Weak and the Divine, ça serait Punk Rock Jesus. Exactement, parce qu'il y a des parallèles à faire. Ça aborde les thèmes des médias et de la religion, et c'est super bien là fait. Pour le coup, je trouve qu'il survole énormément de choses, Kieron Gillen, mais il pousse pas tant que ça, et avec des personnages un peu froids et difficiles de s'intégrer. C'est ça, puis le récit est assez plat quand même, hein, quand ça avance lentement. Il y a... Très sincèrement, on s'en fout de ce qui se passe. On s'en fout complètement de ce qui se passe. À la base, on avait dit qu'on devait pas être trop méchant. Hein. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, hein. Moi, j'ai trouvé ça cool. C'est une lecture en fait qui se fait qui est fluide parce que c'est intellectuel quand même. Le scénariste, on voit qu'il a une très bonne plume. Mais il écrit de façon à ce que ça se lise un petit peu tout seul, quoi, le truc. Et peut-être qu'après, c'est un peu le problème du truc, du bouquin, c'est que ça va peut-être passer en profondeur dans les thèmes abordés. Mais après, c'est une ongoing, hein, donc... Je m'attendais à un truc un peu plus avancé, vu les critiques, et je pense que trop grosses attentes, je pense. Vous comparez à Punk Rock Jesus, qui est un one-shot, donc forcément, le mec va à fond dans son truc. Ouais, Punk Rock Jesus, en deux premiers épisodes, t'es happé pour le truc. T'as relativement bien compris. Oui, non, mais c'est Sean Murphy et bon... Et puis... Si on n'est pas dans toutes les références musicales faites, si on n'est pas attaché à ce monde qui nous entoure un petit peu, fait de réseaux sociaux, de stars, de fans, si on n'a pas ce rapport-là avec le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile de s'attacher aux personnages, de les comprendre et d'être intéressé par ce qui va advenir de leur vie. Quoi, la scène de bal qui s'énerve, si tu vois pas le parallèle avec le vrai Kanye West... Mmh. Et puis si tu t'en fous de Kanye West, Moi je l'ai pas vu parce que tous ces groupes me parlent pas du tout, c'est pas forcément de la musique. C'est ce que disait Johnny, c'est ça m'a quand même tout ça, tout, on s'en fout. Et là, si on n'a pas ce rapport un peu avec les stars, mais moi je l'ai pas et ça m'a plu. Enfin, je trouve ça intéressant quand même. Bah, les dessins, par contre, sont voilà, sauf vraiment pour moi le comics. Hein, ils sont, sont simplement magnifiques. Après, on peut avoir le débat, est-ce que c'est plus important d'avoir une bonne histoire ou d'avoir de beaux dessins dans un comics? Ça, c'est une autre question. Ça dépend des goûts, je dirais. Ouais. Après, bon, ça dépend de ta Greg Capullo. Après, par contre, je sais que bon, elle est pas là pour en parler, mais Faye a vraiment vraiment adoré. Ça aurait été très intéressant d'avoir son point de vue. Et je me demande si c'est pas un comics plus féminin, peut-être avec un public petite, peut-être pas Tu prends des risques en disant ça. Oui, non, je dis pas oui. Non, mais c'est sûr. Je vais pas dire oui, c'est un comics pour filles, mais je pense que c'est peut-être plus un comics qui cible des gens qui lisent pas forcément beaucoup de comics ou qui en ont marre de cette représentation stéréotypée dans les comics mainstream, oui, voilà. Du héros blanc, hétéro, machin, etc. Oui, là pour le coup, c'est avec les femmes ont un rôle mineur mis au second plan, c'est juste des bimbos. Voilà, faites pour. Je suis pas sûr que ça arrange les masses là d'ailleurs. Hein. Parce que là aussi, c'est des énormes caricatures. Hein. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui se retrouveront dans certains personnages et qui auront. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu un grand succès de la part des critiques. C'est que certaines personnes se sont retrouvées dans ces personnages et ont eu un grand plaisir de pouvoir lire des aventures avec eux, quoi. C'est peut-être effectivement. Je crois qu'il y a un peu l'effet. Infinite Loop avec. Où on parle le truc. Enfin, je sais pas. Qui a lu Infinite Loop autour de la table? Non, j'ai pas lu. Johnny? Bon, je suis seul à avoir une vidéo. En plus, c'est français, ouais. C'est, mais c'est mais ça fait tout le monde en parlant bien, mm-hmm. en disant ouais, c'est génial et tout, nanani, nanana. Ça parle de trucs LGBT, c'est une représentation féminine cool et tout, nanani, nanana. Moi, j'ai lu, j'ai vraiment. Bon, moi, c'est surtout les dessins, parce que je suis vraiment amoureux de ce que fait, fait Elsa Chartier, qui est vraiment, elle est vraiment très très forte. Après, je suis moins fan du scénario, et je pense que c'est peut-être le même délire avec. Wiggin and Duvain. Voilà. Dessiné par. je ne sais toujours pas, je m'en fous. voilà. Je pense que le fait que ça parle, il y a un personnage bi qui est montré, Lucifer est bi. Il y a des représentations. Ouais, on va finir par le savoir qu'elle est bi. Oui, oui, bah oui. À toutes les pages, elle le dit qu'elle est bi. Ouais, non, mais vraiment, ouais, il y a un côté comme ça que les personnages ont une sexualité débridée, mais même une personnalité en dehors de ça. Tous, ils sont un peu complètement timbrés, quoi. Ils ont dit on a deux ans à vivre, on y va. Même, mais il y a des personnages féminins forts et tout. Ouais, ouais. Et je pense que ça parle à plein de gens en disant putain. Merde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des trucs comme ça avec des personnages comme ça. Même si le scénario est pas foufou comme Infinite Loop, mm-hmm. où c'est pas foufou, mais ça parle de LGBT et c'est pas un sujet qu'on voit tout le temps. Donc ça, il y a autant de bonnes critiques parce que le sujet est intéressant et que même si le comics est un peu médiocre au niveau du scénario, ça le scénario pas est pas médiocre, mais c'est pas. Je parle d'Infinite Loop là. Par contre. Ah oui, pardon. D'accord. Oui, c'est peut-être ça en fait. C'est vraiment un comics qui est dans l'air du temps à ce niveau-là. Il y a un personnage de trans qui, en tout cas dans le premier volume, ne sert strictement à rien. Ouais. Et ça arrive, t'as l'impression qu'il est là parce qu'il y a une caution à faire et que voilà, il faut qu'un peu. C'est le quota, c'est le poster, quoi. C'est le perso avec marqué je suis noir ou je suis trans ou etc. C'est une ongoing, donc il pose des. Enfin, je vais pas arrêter de le dire, mais c'est une série qui est à suivre avec plusieurs numéros. Je pense qu'il continue encore, donc forcément, il met dans le premier numéro. Il installe ses personnages. Mais là, en 5 numéros, moi, j'ai pas vu vraiment d'accélération, d'évolution. C'est plat et ça le reste du premier au dernier numéro de ce premier volume. Voilà, ouais. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est-à-dire que c'est un type de situation où, à la fin du truc, je me suis dit, ok. Et je pense que c'est la question justement quand on finit le premier tome de se dire est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, et il m'a pas donné envie de continuer particulièrement. Pareil, peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pour telle ou telle raison qui les regardent, il y a absolument aucun souci, je comprendrais tout à fait d'ailleurs, parce que le livre n'est pas mauvais, c'est juste, je pense que c'est comme j'ai dit, c'est une question de tasse de thé, et chacun a ses raisons pour aimer ce truc, et il y a absolument aucune raison de se justifier si quelqu'un l'aime ou pas. Voilà, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la matière, il y a du travail, le scénariste il a quand même une certaine écriture plutôt pas mal, on l'a déjà dit plusieurs fois, le concept est cool. Je trouve que c'est un peu du Sandman version light et un peu simpliste, mais ici il y a des gens qui l'aiment, et moi je dis allez-y, tentez-le, parce que je pense que c'est vraiment une question d'essayer en fait, surtout. Clairement, oui, c'est ça, faut l'essayer, et après ça sera chacun en fonction de son vécu, son ressenti par rapport à la musique, à toutes les références faites, à la mythologie, à tout cet univers de Star d'aujourd'hui qui fera qu'on aime ou pas le comics. Il y en a d'ailleurs qui est Jupiter Legacy, là je crois que c'est écrit par Mark Millar. Et dessiné par Frank Quitely, du coup ça m'a donné envie de dire ça, tu vois, je me suis dit ce thème-là, peut-être que ça pourrait être ça pourrait plus me parler. Des jeunes ados qui ont des pouvoirs du coup ancrés dans la réalité. Ah mais tu l'as lu ? Moi je l'ai pas lu, mais ça me donne vraiment envie. C'est très basique, c'est magnifique. J'adore que c'est genre ce que fait Quitely, ça révolutionne que dalle, mais c'est popcorn. Moi j'aime pas Millar et j'aime pas Quitely, donc je lirai pas, mais t'aimes pas Millar. J'aime pas Mark Millar. J'aime pas Quitely, non. Quoi ? On va faire un petit tour de la table, savoir qui va acheter, qui parce que il y a des personnes autour de la table qui ont acheté ce tome. Donc on va pas dire qui c'est. Bah oui. Et est-ce que vous allez acheter le tome 1, le tome 2 ? Le tome 1 c'est déjà fait, ouais. Est-ce que vous allez acheter le tome 2 ? Je vais peut-être le revendre. Ou pour ceux qui l'ont lu en scan par. Je sais absolument pas où je pars dans cette phrase. Est-ce que vous allez lire la suite ? Ouais. Tout simplement. Romain. Alors, moi j'achèterai pas la suite. À moins que vraiment qu'on nous dise que le récit évolue et que ça. Parce que vraiment, le premier tome a eu des critiques exceptionnelles, quoi. Je m'attendais à un truc de fou. Moi pour l'instant, non. Et en plus, le cliffhanger de la fin, rien à foutre. Mathieu. Moi je suis emmerdé parce qu'effectivement j'ai pas été hypé à fond, on me l'a peut-être un peu survendu et je trouve qu'il y a vraiment une gestion des personnages qui est assez défectueuse. Mais je suis quand même curieux de voir où c'est, s'il veut aller quelque part, si vraiment il a raté la première marche pour nous hyper, ce qui peut arriver, et que derrière ça s'enchaîne ou pas. Je pense que je lirai le deuxième volume pour me faire une idée définitive de ce truc là. Ok, Johnny. Pour moi personnellement non. parce que alors l'histoire m'a pas intéressé particulièrement. Les personnages, on va dire posters, avec ben comme j'ai dit marqué je suis telle ou telle minorité sur le front et pas grand chose derrière, ça m'intéresse pas beaucoup. Le concept est cool. Pour l'instant, j'ai pas trouvé que l'exécution du concept était particulièrement intéressante. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés dans mon entourage, qui pourraient être intéressés par ce truc. Et si ces gens me demandent est-ce que tu penses que je devrais le lire, je leur dirais oui. Ok. Et toi, tu liras pas la suite? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est une question de test de thé, c'est pas la mienne, ça peut être celle de quelqu'un d'autre. On reconnaît les qualités du bouquin, voilà, mais ça nous a pas plu, donc on pourrait les... Ok. Thomas? Étant donné que je suis un jeune étudiant et que j'ai pas beaucoup de moyens, donc tu n'achèteras pas la suite. Je continue que les titres qui me plaisent vraiment, vraiment, tu vois. Mais si t'avais les sous pour. On peut faire un Kickstarter, si tu veux. Oui, si j'aurais les sous, c'est sûr que. Mais si j'aurais les sous, j'achèterais tout, tu sais. Mais. Du coup non, je pense pas, parce que c'est, après j'ai bien aimé le titre, mais je sais pas, je préfère mettre mes sous dans des choses que je préfère. Ok, et bah moi je vais y acheter la suite, je pense, parce que déjà Faye l'a adoré, donc je pense qu'elle l'achètera la suite et que je le lirai. Tu vas nous la prêter. Et je vous le prêterai, voilà, exactement, et on en reparlera peut-être un jour autour de cette table. Par contre, un petit mot sur l'édition de Glénat, c'est super ce qu'ils font en ce moment, enfin les cartonnés qu'ils font, ouais, et puis les bonus à l'intérieur sont intéressants, on a un petit interview de l'auteur qui est en amont du... Ouais, l'interview était sympa. Ouais, c'était intéressant, ça nous permet d'avoir la vision de l'indé. En ce moment, avec l'indé, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Ils sont en train de sortir un truc complètement inédit avec des trucs d'indé, mais du coup, c'est pas vraiment du comics, uh-huh. C'est du... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la franco-belge. Ils sont un peu partout, Glénat. Oui, mais je veux dire, ils sont dans leur Glénat Comics. Ouais. Ils sont, le titre dont on va parler la semaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, Suskuban Turbo. D'ailleurs, qui c'est qui là autour de la... Normalement, on l'a fait tourner. C'est moi qui l'ai. Et oui, il fallait. Bon, c'est pas grave. C'est notre tambouille à nous. C'est pas grave. Du coup, on va en parler. Et en fait, ils font vraiment un boulot de dingue. Ouais. Ils essayent de se placer par rapport à Urban et Panini. C'est pas évident. Ils ont trouvé un angle qui est pas mal. Ouais, ouais. De taper un peu à côté de mainstream basique. D'ailleurs, je crois pour ce série, ça se joue entre Urban et Glénat pour avoir Weekend in the Divine. Et on voit qu'ils ont quand même un poids maintenant qui devient. Oui, parce qu'effectivement, ça vend. Hein. Ouais, ils veulent tous faire Walking Dead, les éditeurs français. Ils veulent vendre des caisses et des caisses. Et... Bah oui, parce que c'est Image, je crois. C'est Image Comics, ouais. Mm-hmm. Et normalement, c'est Urban qui fait une Image, non? Normalement, ouais, c'est Urban. Ils font un paquet de. Ils sortent un paquet de comics Image, mais tout le monde, tout éditeur peut. C'est pas attitré, quoi. Pour chaque série, on peut. Chaque éditeur peut. Tiens, on va. On a encore 10 minutes, on peut finir sur ça avec une petite question. Moi, j'ai eu. Un truc en ce moment, le mainstream me saoule. En fait, j'arrive plus à. Normal, tu as 30 ans. Mais tout ce que fait Image en ce moment, Weekend of the Divine, il y avait quoi d'autre? Il y avait Black Science, où il y avait. Saga, qui est. Paper Girl. Est-ce que c'est, selon vous, est-ce qu'au fur et à mesure, quand tu commences à lire du comic, tu te mets au mainstream? Et puis après, tu vas partir, tu pars forcément à l'indé ou. Et après, tu finis par le franco-belge généralement. là, je pense qu'il y a un effet relativement simple, c'est que c'est Rick Remender, c'est Brian K. Vaughan, c'est Jeff Lemire, c'est des très très très très bons auteurs de comics qui sont partis chez Image Comics parce que Image Comics leur permet. Donc Image Comics, c'est le troisième éditeur de comics aux États-Unis derrière DC et Marvel. Ils sont quand même loin en termes de vente, mais ils se sont réorientés il y a quelques années sur le fait qu'ils sont sur le Creator Own. Ouais. Donc je vous ai déjà parlé, mais pour les gens qui ne sauraient pas, en fait, le Creator Own, c'est pour les éditeurs normaux comme DC ou Marvel, les personnages n'appartiennent pas aux auteurs, même si vous créez un personnage par exemple, vous créez un renouveau Robin, le personnage ne vous appartiendra pas et vous n'aurez pas le droit les droits, par exemple, pour les produits dérivés, ce genre de truc, vous toucherez jamais de sous dessus. Et le Creator Owned, en fait, vous êtes propriétaire de vos personnages et de votre œuvre. Et Image 1, en fait, je crois que le premier numéro, il ne touche pas de truc, il ne touche pas de truc de sous dessus, c'est que Image qui récupère, et après, c'est tout. Ouais, t'as attiré un paquet d'auteurs hallucinants, quoi. Ouais, les Kirkman et Walking Dead, ouais, les sagas, il y a les. T'as forcément, j'ai reçu le troisième tome de Rumble de John Arcudi, qui a l'air. Enfin, il se régale, les gars. Et d'ailleurs, c'est pas anodin si Marvel essaie de les ramener dans le bercail pas très longtemps, parce qu'il y a quand même plus grand monde. Ouais, et puis, entre les auteurs connus, il paraît que Image sont vraiment cool. Ils laissent une liberté artistique assez importante aux auteurs. Ils sont pas du tout bridés. Et ça permet aussi à des jeunes artistes pas connus de vraiment se lancer via Image. C'est eux qui portent les gens. Il paraît que c'est. En fait, ils sont même victimes de leur succès. succès, ils ont beaucoup trop de projets, ouais. Et c'est pour ça que des fois t'as des éditeurs encore un peu en dessous, genre du Dark Horse, du Boom ou du j'ai bouffé le nom du dernier, du Dynamite, un truc comme ça, qui ont maintenant des séries assez intéressantes, parce que tu as Aftershock qui est un nouvel éditeur qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a quand même du Warren Ellis, des machins sympas, parce qu'ils arrivent pas à... Et le truc qu'on a parlé la semaine dernière, justement ça m'attristait que tu ne sois pas là pour en parler, c'est Karen Berger qui va sortir Berger Books, un label complètement son label chez Dark Horse où elle aura ses auteurs à elle, et je pense qu'elle va faire ramener des gens comme peut-être Neil Gaiman ou des gens avec qui elle travaille, avec qui elle a travaillé chez Vertigo à l'époque, elle va les faire ramener sur son label. Karen Berger, ouais, éditrice culte chez Vertigo des années 90, qui a sorti peut-être l'éditrice les meilleurs comics des années 90 qui j'aime, voilà, en termes de non mainstream, c'est juste extraordinaire. Donc ouais, c'est quelqu'un à suivre vraiment ce qu'elle fait, cette femme. Ok, donc voilà. Et on va faire un petit. Est-ce qu'on fait un petit coup de cœur, une petite attente avant. On fait pas les coups de cœur aujourd'hui ? Si, on va les faire, mais on a un peu de temps justement. Donc, on va faire un petit tour de table. Romain ? Alors, le coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine, ça serait Split. J'ai vu Split ce week-end là. Ah, n'en parle pas, je l'ai pas vu encore, j'y vais demain. Je vais pas vous raconter l'histoire. Oui, mais c'est juste pour dire que c'est. Je me suis régalé quoi. J'ai retrouvé le. Shyamalan Ding Dong. Qui avait fait des superbes films comme Sixième Sens, Signe, que j'avais beaucoup aimé, Incassable, etc. Ah, tu aimes bien Signe. Tu fais partie de ces genres de personnes. Ouais, j'aime bien. Je l'ai revu en plus il n'y a pas longtemps et je trouvais ça. On en parlera plus tard. L'ambiance, etc. Ouais, mais Split, en plus avec James McAvoy au top, enfin. Excellent. Ok, Mathieu. Moi je vais faire plaisir à Faye, c'est la sortie cette semaine du troisième roman Star Wars dans la trilogie Aftermath, qui se passe après le retour du Jedi et avant l'épisode 7, et roman qui a déjà a priori fait disjoncter la moitié de la blogosphère fan de Star Wars, parce que c'est gavé d'informations super croustillantes sur Jar Jar Binks, non ? Jar Jar Binks, effectivement. Que devient Jar Jar Binks ? C'est enfin dans le roman. C'est un seigneur, si on le sait maintenant, c'est bon. Voilà, en fait il est pas seul, il est sous bois en fait, non, donc ça s'est pas très bien passé. Et du coup ça sort cette semaine, ça va être formidable. Ok, Juni. Alors moi dans mon cas, ça va être en limitant rapport avec les Oscars, c'est Arrival qui est déjà sorti au cinéma et qui finira par avoir son DVD dans pas longtemps, je suppose. Donc premier contact pour les gens qui... Comment dire, à l'époque de la sortie de Man of Steel, ils nous l'avaient vendu en des termes très pompeux comme étant un film sur une représentation réaliste des humains en contact de leur première alien. Au final c'était beaucoup de blabla et beaucoup d'explosions pour pas grand chose, et là pour le coup, ce film là c'est ça, c'est énorme, c'est vachement bien foutu, il n'y a absolument aucune action. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'action en termes psychologiques, émotionnels, etc. Parce que c'est de la vraie bonne sci-fi. C'est de la sci-fi qui se concentre sur les personnages, sur l'utilisation de leur technologie, comment faire pour entrer en contact avec une race qu'ils ne connaissent pas, toute la réflexion éthique derrière, et justement un comportement réaliste des militaires autour et du public en général face à l'arrivée d'extraterrestres qui ne leur ressemblent pas, qui parlent un langage qui n'est même pas oral d'ailleurs. Et c'était génial. Le film entier est fabuleux. C'est Denis Villeneuve, c'est ça ? Ouais, et Denis Villeneuve, c'est un de Blade très Runner, très grand réalisateur. Blade Runner et de Dune. Et de Dune, ouais. Donc, ouais, je recommande plus que chaudement. C'était absolument génial. C'est vraiment pareil. Ouais. Thomas ? Alors, il y a un truc qui vient de sortir en début de mois, c'est Deadly Class Tom 4. Attends, c'est pas vrai. Le mec, à chaque fois que tu fais un coup de cœur, il va parler de Deadly Class. Il a raison. Ouais, non, mais parce que Deadly Class, c'est la série. Je vais devoir le lire à la fin, finalement. C'est la série que je préfère au monde. Je dis le pitch ou pas ? Enfin, on l'a déjà dit, vas-y. On l'a déjà dit. Bon, en gros, c'est un étudiant qui va se retrouver dans une classe où il doit apprendre à tuer. Et là, ce dernier tome, c'est genre le dernier tome d'Harry Potter, tu vois. Il y a tout le monde qui crève, je dis pas qui, mais en tout cas c'est super, tout le monde. Ok, il vient de dire tout le monde. Merci les gars. En tout cas, c'est impressionnant quoi, comme tome. Donc je vous conseille vraiment la série d'être des classes, parce que ça va crescendo tome par tome, et c'est Image Comics encore. Ouais, Image Comics, puis de façon générale tout ce que fait Remender, c'est bien. Rick Remender, il le transforme en or, le type. Et ben moi je vais vous parler d'une série qui sort sur HBO en ce moment et que j'ai la chance de voir en 24 heures après grâce à OCS. C'est Little Big Lies, je crois, voilà, c'est ça, avec un casting assez ouf. Des actrices que je kiffe pas normalement, mais là elles sont assez cool. Donc Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, vous avez aussi Adam Scott, le mec qui a fait Tarzan il y a pas longtemps, et qui était dans Skarsgård. Le blond là-bas, là. Les noms et toi, c'est vraiment compliqué. C'est quatre. Donc